إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 27 dans l'explication de شرح الأصول الثلاثة du Cheikh Ubayd al-Jabiri حفظه الله تعالى. Et on continue donc dans le deuxième fondement, le deuxième parmi les fondements de Al-Usul al-Thalatha, c'est-à-dire qu'est-ce que l'islam, la définition de l'islam. On a commencé au dernier cours à expliquer la signification de La ilaha illallah et que La ilaha illallah signifie que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a commencé à expliquer les preuves qui ont été mentionnées par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala à propos de ce témoignage, ce premier pilier parmi les cinq piliers de l'islam, qui est le témoignage de l'unicité d'Allah, que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, et le témoignage yani de la prophétie et le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le dernier des messagers, et qu'il est obligatoire de le suivre et de croire en lui. Donc, on continue dans l'explication du témoignage de la ilaha illallah. Et le Cheikh, il dit, « وَقَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَوْلُهُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Donc le cheikh il a commencé à expliquer que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il explique dans son livre Al-Usul al-Thalatha que l'explication qui clarifie la signification de la ilaha illallah, c'est dans le verset 26 et 27, dans surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf 26-27. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans ces deux versets, ce qui signifie, et lorsque Ibrahim alayhi salam, dit à son père et à son peuple, certes, je me désavoue de tout ce que vous adorez, de tout ce que vous adorez sans exception, excepté de celui qui m'a créé, car c'est lui qui me guide. Et il a fait de cette parole une chose qui reste dans sa progéniture pour qu'il puisse revenir. Et il cite également le verset 64 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, dit, « Ô vous les gens du livre, venez vers une parole commune entre vous, entre nous et vous, que nous n'adorons personne excepté Allah, et que nous n'allons rien associer avec lui, nous n'allons faire aucune forme de shirk en associant quoi que ce soit avec lui, et que nous n'allons pas nous prendre les uns les autres comme des égaux et des seigneurs en dehors d'Allah. Et s'ils se détournent, alors dites, soyez témoins que nous sommes musulmans, que nous sommes soumis. » Le Cheikh Ubayd, hafidhahullah ta'ala, il explique maintenant ce passage. Il dit, وتفسيرها يعني توضيحها ما يدل على النفي والإثبات وذكر الأدلة على ما تتضمنه كلمة الإخلاص من النفي والإثبات فلنطبق ركني لا إله إلا الله على آية الزخرف أولا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني أين تأكيد النفي وأين تأكيد الإثبات قوله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون هذا يوضح النفي لا إله وقوله إلا الذي فطرني يوافق إلا الله الإثبات فالشرط الأول في الآية يوافق الشرط الأول من الكلمة والشرط الثاني يوافق الشرط الثاني منها إذن تضمنت آية الزخرف البراءة من كل معبود سوى الله عز وجل وأثبتت العبادة لله سبحانه وتعالى تضمنت البراءة من عبادة الأصنام والأوثان وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى وهذا دليل على أن الأنبياء متفقون على هذه الدعوة. Donc le Cheikh Ubayd حفظه الله, il dit l'explication qui indique la négation et l'affirmation dans le témoignage de la ilaha illallah, parce qu'on a expliqué au dernier cours que dans le témoignage, la phrase du shahada, du témoignage de l'unicité d'Allah, lorsqu'on dit la ilaha illallah, eh bien, dans cette phrase, il y a une négation et il y a une affirmation. Et donc, la première partie, la ilaha, ça c'est la négation, et l'affirmation c'est illallah. Et donc le cheikh il explique que la clarification qui indique cette affirmation et cette négation dans le témoignage de la ilaha illallah, elle est mentionnée dans plusieurs preuves dans le Coran pour indiquer ce qu'implique la parole de pureté et de sincérité d'adoration pour Allah seul, et qui indique cette négation et cette affirmation. Et on peut appliquer les deux piliers de ce témoignage de la ilaha illallah, c'est-à-dire les deux piliers, le pilier de l'affirmation et le pilier de la négation, à plusieurs endroits dans le Coran qui vient dans la même, disons, dans le même format et dans le même contexte, pour indiquer la négation et l'affirmation aussi dans plusieurs versets qui viennent clarifier la signification du témoignage de la ilaha illallah aussi. Donc si quelqu'un par exemple nous demande quelle est la preuve lorsqu'on dit la ilaha illallah, que ça veut dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et qu'il y a dans ça la négation et l'affirmation, quelle est la preuve de ça? Eh bien, on peut mentionner comme preuve de ça plusieurs versets dans le Coran. Et parmi les versets qu'il a mentionnés, le cheikh ici, les versets 26 et 27 dans sourate Az-Zukhruf, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit: et lorsque Ibrahim alayhi salam dit à son père et à son peuple, qui eux adoraient des idoles, adoraient les étoiles, adoraient des statues, adoraient toutes sortes de choses en dehors d'Allah, et en plus de ça, ils adoraient avec tout ça, avec Allah, ils adoraient toutes ces choses-là. Donc ils adoraient ces choses-là en dehors d'Allah, et ils adoraient également Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que Ibrahim alayhi salam, il a déclaré donc à son père et à son peuple: certes, je me désavoue, hein, je rejette, je renie, je refuse, hein, tout ce que vous adorez, je le rejette et je m'en désavoue complètement, j'en suis innocent de façon absolue, tout ce que vous adorez, sans exception, excepté celui qui m'a créé, c'est seulement lui que j'adore. Donc ça veut dire que tout ce que vous adorez, je le renie, mais je renie tout excepté Allah, parce que celui que vous adorez, hein, en dehors d'Allah, si c'est pas Allah, je peux pas l'adorer, je peux pas l'accepter. Je peux uniquement accepter ce que vous adorez si ce que vous adorez c'est Allah seul. Mais si vous adorez d'autres que Allah, je le rejette et je le renie. Donc ça, c'est la même signification que le témoignage de la ilaha illallah. Lorsque tu dis, hein, la ilaha illallah, c'est comme si tu disais: je me désavoue de tout ce qui est adoré excepté d'Allah. C'est la même signification que qu'est-ce que Ibrahim alayhi salam a dit à son peuple, hein, je me désavoue de tout ce que vous adorez excepté de celui qui m'a créé, parce que c'est lui qui va me guider. Donc c'est la même signification. On voit en premier la négation et le désaveu et le rejet de tout ce qui est adoré excepté d'Allah, c'est-à-dire celui qui nous a tous créés. Donc on voit ici la négation et on voit par la suite l'affirmation. Et il dit que lorsque Ibrahim alayhi salam, il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala le cite dans ce verset, il dit: innani bara'un mimma ta'budun. Ça vient clarifier la négation et ça correspond à la ilaha dans le témoignage de la foi. Et lorsque il dit illa alladhi fatarani, excepté celui qui m'a créé, eh bien ça correspond à illallah, hein, c'est-à-dire ça c'est l'affirmation qui correspond à illallah, excepté celui qui m'a créé, c'est-à-dire excepté Allah. Donc la première condition, elle est en accord avec la première partie du verset, hein, la première partie du verset correspond à la première partie, hein, de ce témoignage qui est la négation, et la deuxième partie du verset correspond à la deuxième partie du témoignage illallah, hein. Et il dit donc que ce verset dans sourate Az-Zukhruf, eh bien il comprend et on voit qu'il y a à l'intérieur de ce verset la signification du témoignage de la foi, le désaveu et le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et l'affirmation de l'adoration pour Allah seul. Et le rejet et le fait de se désavouer de toutes les idoles et de leur adoration, et l'affirmation de l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il y a dans ça la preuve que tous les prophètes étaient tous d'accord sur cette da'wah, sur cet appel et sur cette invitation, c'est-à-dire l'invitation vers l'unicité d'Allah, et que seul le Créateur mérite d'être adoré. Et le cheikh il dit ensuite: وَجَعَلَهَا أَيْ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون في نسله يعني في عقبه يعني في نسله وجعل كلمة كلمة لا إله إلا الله أو جعل البراءة من عبادة غير الله وإثبات العبادة لله كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون عن الشرك إلى التوحيد إلى توحيد الله عز وجل ومن نسل إبراهيم قريش إذ هذه الآية فيها رد على قريش وتوبيخ لهم إذ كانوا ينتسبون إلى إبراهيم فكان الأجدر بهم أن يكونوا على دينه الذي جاء به الذي جاء به ولده محمد صلى الله عليه وسلم وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده. Donc le Cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset dans Surat al-Zukhruf, à la suite de qu'est-ce qu'on vient d'expliquer, et il en a fait, c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam, il en a fait de cette parole de la ilaha illallah une parole qui reste et qui demeure dans sa progéniture pour qu'il puisse revenir. Donc la parole de la ilaha illallah, wa alaykum salam wa rahmatullah, Allah subhanahu wa ta'ala en a fait une parole qui reste dans sa progéniture. Le fait que il se désavoue de l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et l'affirmation de l'adoration pour Allah seul, il en a fait quelque chose qui reste dans sa progéniture pour qu'il puisse revenir, c'est-à-dire pour qu'il puisse quitter le shirk et revenir à l'unicité d'Allah et au tawhid. Et dans la progéniture de Ibrahim alayhi salam, il y a les Arabes de Quraysh, parce que les Arabes de Quraysh sont descendants de Ibrahim alayhi salam par son fils Ismaïl. Donc, dans ce verset, il y a la réfutation pour Quraysh, la tribu de Quraysh, et un blâme, et une réprimande pour les idolâtres de Quraysh, puisque les idolâtres de Quraysh prétendent appartenir à Ibrahim alayhi salam. Donc, s'ils prétendent appartenir à la descendance d'Ibrahim alayhi salam, eh bien, il aurait été plus profitable et mieux pour eux d'être sur la même religion que lui, d'être sur la religion qu'il a suivie et que son fils, son petit-fils Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ramené pour eux et pour toute l'humanité, la religion du tawhid et de l'unicité d'Allah. Et c'est l'appel à adorer Allah seul, sans rien lui associer. Et dans le deuxième verset que le Cheikh il a mentionné, qui est le verset 64 dans Surat Al-Imran, Cheikh Ubayd Hafizahullah, il l'explique en disant: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَذِهِ الْآيَةِ جَاءَتْ فِي خِطَابِ النَّصَارَى الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الْمَسِيحَ ابْنُ مَرْيَمَ يُقَالُ إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي وَفْدِ نَجْرَانَ مِنَ النَّصَارَى. المهم عندنا أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء متفق عليها بيننا وبينكم, وهذه الكلمة ألا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إذن أن لا نعبد توافق لا إله وإلا الله توافق الشرط الثاني من الكلمة وعلى هذا فأهل الكتاب مدعوون إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به وجاءت به قبله الأنبياء ومنهم عيسى عليه السلام وموسى وهي دين واحد وهذا الدين لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق سوى الله يعني سواه كل معبود سوى الله باطل وعلى هذا فالآية دليل على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit à propos du deuxième verset, le verset 64 dans sourate Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset ce qui signifie: ô vous les gens du livre, venez vers une parole commune entre nous et vous, que nous n'allons adorer rien excepté Allah, et que nous n'allons rien associer avec lui, nous n'allons faire aucune forme de shirk avec lui en associant quelque chose, et que nous n'allons pas prendre, nous n'allons pas nous prendre les uns les autres comme des seigneurs et des égaux en dehors d'Allah. Et s'ils se détournent, alors soyez témoins que nous sommes musulmans. Le cheikh il explique ce verset-là en disant que ce verset s'adresse en particulier aux chrétiens, parmi les chrétiens de la tribu de Bani Najran. Et ça c'est pour les chrétiens en général, ceux qui disent que Jésus c'est le Messie, fils de Dieu. Et donc, le cheikh dit, donc on dit que c'est un verset qui était révélé à propos de la délégation de Najran parmi les chrétiens. Et il dit l'important à comprendre par rapport à ce verset-là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'inviter les chrétiens, d'inviter les gens du livre à une parole commune, une parole sur laquelle on est tous d'accord, nous et vous, c'est-à-dire nous les musulmans et vous les chrétiens. Et cette parole commune c'est quoi? C'est la ilaha illallah. C'est de dire la na'buda illallah wa la nushrika bihi shay'a. Et cette parole elle est exactement dans le même sens et dans la même forme que le témoignage de l'unicité d'Allah dans l'islam, qui est le premier pilier, dans ce qu'on dit la ilaha illallah. Donc quand on dit Allah na'buda illallah, ça wa la nushriku bihi shay'a, c'est comme si on disait on adore rien excepté Allah, ça c'est on adore rien, ça c'est qu'est-ce qui correspond à la ilaha, excepté Allah c'est la deuxième partie, c'est lorsqu'on dit illallah, la ilaha illallah. Donc la ilaha correspond à an la na'buda et illallah correspond à illallah, comme dans le verset. Et voilà, nushrika bihi shay'a, et nous n'allons rien associer avec lui, ça c'est pour confirmer la signification du témoignage de la ilaha illallah, qu'on doit faire aucune forme de shirk avec lui. Et le cheikh il dit wa ala hadha fa ahlul kitab, donc en se basant là-dessus on comprend que les gens du livre doivent être appelés à suivre le messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec ce qu'il a ramené, et ce que les prophètes ont ramené avant lui également, parmi eux le prophète Jésus, Isa alayhi salam, le prophète Moussa sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la religion qui est unique, une seule et unique religion, qui est la religion du témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, le créateur et le maître de tout. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté lui. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, le maître et le créateur absolu de toutes choses, eh bien, cette chose qui est adorée en dehors de lui, elle est fausse. Et donc, on voit ici dans ce verset qu'il y a la confirmation et la preuve du message universel et général du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que sa religion est adressée à tous les hommes, même les juifs et les chrétiens, et tous les gens qui ont une religion sur terre autre que l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour les inviter tous à suivre l'islam et se convertir à l'islam et accepter la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh il dit ensuite ويؤكد هذا ويوضحه الحديث الصحيح الذي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار فهو خاتم النبيين ولا نبي بعده فمن علم برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وجب عليه السعي والتعرف على هذا الدين والإيمان به قامت عليه الحجة إذا لم يؤمن وعلى هذا لا تقريب إما إسلام وإما كفر لا تقريب بين المسلمين والنصارى واليهود أبدا ليس التعامل الدنيوي لمصلحة الإسلام أو لمصلحة الإسلام وأهل الإسلام لا بأس به لكن التعامل الدنيوي لمصلحة الإسلام وأهل الإسلام لا بأس به أما التقريب وميوعة ووحدة أديان كما يدعو إليها بعض المنظرين وزعماء بعض الحركات الإسلامية فإنه والله كفر بعد إيمان أقول وحدة الأديان هذا كفر بعد الإيمان لأن الإسلام هو المهيمن هو دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه إن الدين عند الله الإسلام حصر إن الدين عند الله الإسلام والقارعة الأخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ولهذا قال الله عز وجل فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يعني أنتم الكفار اشهدوا بأننا مسلمون ولأننا قبلنا دين الله وأخلصنا العبادة له أو أخلصنا العبادة له ولم نعتقد إلهية لأحد سواه جل وعلا. Donc on va expliquer tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant, tout ce qu'on vient de lire. Le Cheikh Ubayd al-Jabiri hafizahullah ta'ala, il dit, et ceci est clarifié et confirmé. Quand on dit ceci, on parle de quoi? Qu'est-ce qu'on a dit auparavant? C'est-à-dire que le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un message qui s'adresse à tous les hommes et à toute l'humanité et que tous les hommes sans exception sont appelés à se convertir à l'islam même s'ils font partie des gens du livre même s'ils sont juifs ou chrétiens ils ne peuvent être sauvés que en acceptant le tawhid et la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Et la preuve est confirmée dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam muslim dans lequel il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit par celui qui tient mon âme en sa main, nul parmi les juifs ou les chrétiens n'entend parler de moi et meurt par la suite sans avoir cru en ce que j'ai amené ou sans avoir cru en moi. Excepté que Allah le fera rentrer en enfer. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier d'entre les prophètes. Il n'y a pas de prophète après lui. Et donc, celui qui a appris l'existence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a appris, dans le sens qu'il a entendu parler de sa mission, et il a entendu parler de son message, et il a entendu parler de la religion des prophètes, et de l'avenue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le devoir et l'obligation pour lui c'est de faire tous les efforts possibles pour essayer de connaître cette religion et pour avoir la foi en cette religion et ainsi la preuve est établie contre lui s'il n'a pas cru s'il n'a pas accepté et donc il n'y a pas de rapprochement dans ce cas-là c'est soit quelqu'un il croit en l'islam ou bien il est dans le kufr, il est dans la mécréance. Mais il n'y a pas de rapprochement entre les musulmans et les chrétiens ou les juifs. Il dit, si c'est une question des interactions entre les musulmans et les juifs et les chrétiens dans les interactions reliées à la dunya, dans lesquelles il y a un bienfait pour l'islam et pour les musulmans, comme le commerce, comme les relations internationales, diplomatiques ou autres. Le cheikh, il dit ça, il n'y a pas de mal. Hein? Ça, il n'y a pas de problème. Mais, si on commence à rentrer dans l'idée de vouloir faire un rapprochement et essayer d'unifier les religions, hein, comme certains parmi les théoriciens et certains des gens qui sont à la tête de certains mouvements islamiques à notre époque, qui appellent au rapprochement et à l'unification des religions, eh bien ça c'est du kufr. Ça c'est du kufr après la foi. Le cheikh il dit, je dis que l'idée de vouloir unifier toutes les religions ensemble et de faire de toutes les religions une religion unique, et de dire qu'il n'y a pas de différence, toutes les religions sont pareilles, sont équivalentes, hein, et de dire que l'important, on a tous le même objectif, c'est de servir Dieu. Donc, en réalité, ils disent, yani, toutes ces religions-là s'équivalent, et elles sont toutes pareilles, et elles sont toutes bonnes, hein, et il faut tous être unis, et travailler ensemble, et de pas faire de différence entre nous, et il faut pas dire que, par exemple, les juifs vont être en enfer, ou que les chrétiens vont être en enfer, ou que les musulmans vont être au paradis, tandis que les autres sont, les koufars, les mouchriquins sont en enfer. Il faut pas dire ça. Il faut, au contraire, accepter tout le monde, et être d'accord avec tout le monde, et dire que tout le monde est correct, hein, chacun a sa vérité, hein, comme si la vérité, c'est une chose qui est relative à chacun. Qu'est-ce qui est vrai pour moi, ça peut être faux pour toi. Qu'est-ce qui est faux pour toi, ça peut être vrai pour moi. En réalité, c'est de l'absurdité, ça c'est de la contradiction totale. Et ça équivaut à renier complètement la révélation qui vient d'Allah. Ça équivaut à dire que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à l'humanité pour connaître la vérité et pour distinguer entre ce qui est vrai et faux, que c'est quelque chose qui est yani, relatif et que c'est pas une vérité absolue. C'est pas quelque chose qui doit être accepté tel quel. C'est quelque chose qui doit être interprété selon chacun, selon les désirs de chacun, selon les opinions de chacun, selon les passions de chacun. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, les hommes sans guidance sont dans l'égarement total. Et on peut pas accepter ça. On peut pas tolérer ça, puisque c'est le contraire de la foi. C'est le contraire de qu'est-ce qu'implique la réalité de la foi. Hein? Donc, il n'y a pas d'unification des religions. Et ça, c'est des idées auxquelles appellent les francs-maçons. Hein? Les francs-maçons et ceux qui suivent leur voie et leurs idées et qui sont d'accord avec ces idéologies-là. Il n'y a pas de doute que c'est de la mécréance et que c'est du kufr. Et que si parmi les groupes islamiques ou les penseurs islamiques ou les groupes des ikhwan, il y en a parmi eux qui appellent à ces idéologies-là et à ces pensées-là. Alors, ça, c'est des idéologies qui sont clairement dans la mécréance et dans le kufr. Hein? On n'a pas le droit d'être d'accord ou d'accepter ce genre de pensées-là ou d'idées-là. Et d'appeler et d'inviter à ça. Souvent, ils disent, les kuffars, les trois grandes religions monothéistes. Et ils parlent de l'islam, ils parlent du judaïsme et du christianisme. Et on sait très bien que ces trois religions-là ne sont pas, yani, toutes les trois monothéistes pour de vrai. C'est-à-dire que si tu regardes l'islam, c'est clair que les enseignements qui sont dans l'islam, c'est les enseignements des prophètes, et l'appel au tawhid, et l'unicité d'Allah, et le message de tous les prophètes, et les respecter, non seulement dans les enseignements, mais aussi dans l'application et dans la pratique. Et c'est pour ça qu'on renie et on rejette tous ceux qui adorent des statues, tous ceux qui adorent des tombes, tous ceux qui prient à des morts ou à des saints, ou qui vénèrent des hommes, hein, et qui donne à des êtres humains morts ou vivants des attributs divins, on les considère comme étant des mushrikin. Tandis que chez les chrétiens, chez les juifs, tu vois que parmi eux, il y en a qui adorent des saints, adorent des morts, adorent des prophètes, adorent des anges, et ainsi de suite, et ils attribuent à Dieu des fils, ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala des filles, également, ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah. Tout ça, c'est des exemples de kufr et de shirk. Alors c'est la preuve que ces gens-là ne peuvent pas se dire monothéistes, ne peuvent pas être considérés comme étant des monothéistes, puisqu'ils adorent des gens en dehors d'Allah et ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah. C'est pour ça que le shaykh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran que l'islam c'est la religion qui a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la seule qu'il va accepter, il n'y en a pas d'autre qui sera acceptée de lui, et il le dit dans le Coran de façon explicite et textuelle, claire. Il dit dans sourate Al-Imran, le verset 19, inna ad-dina 'inda Allah l'islam. Et donc ça c'est pour rendre exclusive cette religion, et en même temps pour dire que c'est quelque chose qui est restrictif, c'est-à-dire c'est seulement l'islam que Allah va accepter, il n'y a pas d'autre religion qui sera acceptée de lui. Et il mentionne également l'autre verset dans sourate Al-Imran aussi, le verset 85, qui est encore plus clair même que le premier. Il dit dans ce verset que quiconque cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, et il sera parmi les perdants dans l'au-delà. Il sera du nombre des perdants dans l'au-delà. Donc, ça aussi, c'est une autre preuve à ce sujet-là qui est claire. Et il dit dans le verset 64, dans sourate Al-Imran, qui s'adresse, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux gens du livre, il dit après avoir dit de prendre de venir vers une parole commune qui est la ilaha illallah, il dit après, et s'ils se détournent, alors dites, soyez témoins que nous sommes musulmans, c'est-à-dire vous êtes des koufars, vous êtes des mécréants, et soyez témoins que nous sommes musulmans, c'est-à-dire nous avons accepté la religion d'Allah, nous avons purifié notre adoration pour lui seul, et nous avons cru avec sincérité et conviction l'exclusivité d'Allah, à l'exclusivité du droit que Allah a d'être adoré, et le rejet de l'adoration de toute chose qui serait en dehors de lui. Le rejet de l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, le maître et le créateur. Le cheikh il dit ensuite, وقال المصنف رحمه الله تعالى ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne la deuxième partie du témoignage du premier pilier de l'islam, après avoir dit la ilaha illallah, on dit ashhadu an la ilaha illallah, la deuxième partie de ce témoignage c'est Muhammadun Rasulullah, c'est-à-dire que Muhammad est le messager d'Allah. Et le cheikh il dit, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit la preuve du témoignage de Muhammad Rasulullah dans le Coran, le cheikh il a cité comme preuve à ce sujet le verset 128, le verset 128 dans sourate At-Tawbah, Et on va lire ensemble le verset et sa signification. Dans Surah Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Certes un messager, pas un. » Certes un messager, un messager de... Oui, c'est ça. Certes, un messager de parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourds les difficultés que vous subissez. Donc, les difficultés que vous subissez, elles pèsent lourd pour lui. C'est-à-dire, ça lui tient à cœur. Hein, qu'est-ce que vous subissez comme difficulté? C'est pas quelqu'un d'insensible ou d'indifférent à vos douleurs, à vos souffrances, à vos difficultés. Non. Hein? Il a pour vous de la sollicitude. Il est plein de sollicitude pour vous. Yani azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Il est pour les croyants compatissant et miséricordieux. Donc ça, c'est la description du caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa personnalité et de son comportement. Donc ça vient confirmer le témoignage en question. Et le cheikh, il dit la signification du témoignage de Muhammad Rasulullah, eh bien cette signification de ce témoignage comprend quatre choses. C'est-à-dire que pour que quelqu'un soit vraiment ou ait vraiment cru en Muhammad Rasulullah, il faut qu'il respecte quatre choses. S'il n'a pas respecté ces quatre choses, son témoignage de la ilaha illallah, il n'est pas vrai, il n'est pas correct. Et ces quatre choses, c'est les suivantes. Ta'atuhu fima amar. C'est-à-dire de l'obéir dans ce qu'il ordonne. Ça, c'est une condition pour dire que tu as cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il est le messager d'Allah. Donc tu dois lui obéir dans ce qu'il ordonne. Le deuxième, tasdiquhu fima akhbar. Tu dois croire et reconnaître la véracité de ce qu'il t'a donné comme information à propos de la religion d'Allah. Ça, c'est la deuxième. La troisième, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. C'est-à-dire, tu dois t'écarter de ce qu'il a interdit. Tu dois t'écarter de ce qu'il t'a interdit de faire. Et la quatrième, وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَى. Et que tu n'adores Allah que par ce qu'il t'a mentionné de ce que Allah lui a révélé et de la législation divine et de la révélation. Donc ça, c'est les quatre définitions. Hein? Et la quatrième, c'est-à-dire tu ne dois pas adorer Allah par des innovations, tu dois suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne pas faire de bid'a. La troisième, c'est de t'écarter de tout ce qu'il t'a interdit ou de tout ce qu'il a réprimandé. De toute façon, on va les expliquer encore une fois dans le charh d'explication de Cheikh Ubaid الجابري حفظه الله تعالى ومن لا إلى mentionné beaucoup d'exemples, il a détaillé ici beaucoup. Donc je pense que nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui pour le témoignage de Muhammad Rasulullah. On va s'arrêter à cette définition et au prochain cours on va expliquer le détail de la signification de ce témoignage de Muhammad Rasulullah, inshallah. Donc, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc,